Revenus lentement au port après quelques détours, nous nous séparâmes. Elle voulut rester seule, et je continuais de me promener sans trop savoir où j'allais. À mon retour, le bateau n'étant pas encore prêt, ni l'eau tranquille, nous soupâmes tristement, les yeux baissés, l'air rêveur, mangeant peu et parlant encore moins. Après le souper, nous fûmes nous asseoir sur la grève en attendant le moment du départ. Insensiblement, la lune se leva, l'eau devint plus calme et Julie me proposa de partir. Je lui donnai la main pour entrer dans le bateau et, en m'asseyant à côté d'elle, je ne songeais plus à quitter sa main. Nous gardions un profond silence. Le bruit égal et mesuré des rames m'excitait à rêver. Le chant, assez gai des bécassines, me retraçant les plaisirs de notre âge, au lieu de m'égayer, m'attristait. Peu à peu, je sentis augmenter la mélancolie dont j'étais accablé. Un ciel serein, la fraîcheur de l'air, les doux rayons de la lune, le frémissement argenté dont l'eau brillait autour de nous, le contour des plus agréables sensations, la présence même de cet objet chéri, rien ne put détourner de mon cœur mille réflexions douloureuses. Je commençai par me rappeler une promenade semblable faite autrefois avec elle durant le charme de nos premières amours. Tous les sentiments délicieux qui remplissaient alors mon âme s'y retracèrent pour l'affliger. Tous les événements de notre jeunesse, nos études, nos entretiens, nos lettres, nos rendez-vous, nos plaisirs. Et tanta fede, et cette fois si pure, et si dolce memorie, et ces doux souvenirs, et si lungo costume, et cette longue familiarité, ces foules de petits objets qui m'offraient l'image de mon bonheur passé. Tout revenait pour augmenter ma misère présente, prendre place en mon souvenir. Ça n'est fait, disais-je en moi-même. Ces temps heureux ne sont plus. Ils ont disparu pour jamais. Hélas, ils ne reviendront plus. Et nous vivons, et nous sommes ensemble, et nos cœurs sont toujours unis. Il me semblait que j'aurais porté plus patiemment sa mort ou son absence, et que j'avais moins souffert tout le temps que j'avais passé loin d'elle. Quand je gémissais de l'éloignement, l'espoir de la revoir soulageait mon cœur. Je me flattais qu'un instant de sa présence effacerait toutes mes peines. J'envisageais au moins, dans les possibles, un état moins cruel que le mien. Mais se trouver auprès d'elle, mais la voir, la toucher, lui parler, l'aimer, l'adorer, et, presque à la possédante encore, la sentir perdue à jamais pour moi. Voilà ce qui me jetait dans des accès de fureur et de rage qui m'agitèrent par degrés jusqu'au désespoir. Bientôt, je commençais de rouler dans mon esprit des projets funestes, et dans un transport dont je frémis en y pensant, je fus violemment tenté de la précipiter avec moi dans les flots et d'y finir dans ses bras ma vie et mes longs tourments. Cette horrible tentation devint à la fin si forte que je fus obligé de quitter brusquement sa main pour passer à la pointe du bateau.